Les délégués à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée ont visité le haut lieu révolutionnaire de Pyeongchang, la commune de Cheongsan, pays natal du grand esprit et de la méthode de Cheongsan-ri, la ferme coopérative maraîchère de Changchun de l'arrondissement de Sadon de la ville de Pyongyang. L'exposition de photos consacrée à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée et l'exposition des succès de l'Union des travailleurs agricoles. Ils se sont amusés aussi au parc aquatique de Munsou.